Autre fondateur de la discipline de criminologie, Edwin Sutherland, à qui on doit le concept de crime en col blanc, qui intervient à peu près à la même époque, 1941, pour cette publication qui fera référence et qui va susciter un immense débat scientifique, lui explique dans cet article « Business and Crime » que finalement la criminalité en col blanc, mais c'est une criminalité beaucoup plus répandue que ce qu'on a coutume d'imaginer. Il oppose d'ailleurs crime en col blanc et ce qu'on appelle les crimes en col bleu, c'est-à-dire finalement les criminels issus des classes les plus défavorisées. Et il explique que le système pénal est presque entièrement tourné vers les criminalités des classes les plus défavorisées et qu'il oublie complètement la criminalité des classes possédantes. Et quand il regarde justement à l'aide de données d'ailleurs très précises, puisqu'il va analyser les comportements des grandes sociétés américaines sur la durée, et il en conclut que les déviances issues de ces white collar, ces criminels en col blanc, eh bien, elles sont beaucoup plus fréquentes que ce qu'on imagine. Elles ont des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'on croit sur le tissu économique et social. D'ailleurs, il les considère comme beaucoup plus graves que les cambriolages, vols à la tire et autres infractions classiques qui font le gibier des tribunaux. Et surtout, elles bénéficient, ces infractions, criminels en col blanc, d'une très large impunité. Et il en explique aussi la raison, c'est finalement que il existe une forme de solidarité entre les dirigeants économiques, sociaux et politiques, et que cette solidarité finalement organique, elle les incite à ne surtout pas entrer dans cette répression des crimes en col blanc. Puisque finalement, si on porte atteinte à un des membres de cette famille, en quelque sorte, tous risqueraient de pouvoir être atteints, ne serait-ce que par ricochet. Donc il y a une forme d'intérêt commun à ne surtout pas entrer dans une répression du crime en col blanc. Alors sur l'aspect international, j'ai gardé cette citation d'un rapport qui est issu du World Economic Forum, qui n'est pas un forum très connu pour ses idées, d'extrême gauche. D'ailleurs, Edwin Sutherland était un sociologue tout à fait bon teint et conservateur. Mais dans ce rapport Global Risk 2011, vous aviez un constat qui était dressé, qui était très clair. Alors je l'ai rappelé ici. Le système financier global permet au profit des trafics illicites, du crime organisé, de la corruption, d'être transféré et caché. Alors, difficile de dire les choses de manière plus synthétique et de manière plus claire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une forme de consensus qui se dégage, quel que soit d'ailleurs le positionnement dans l'échiquier politique, pour dire que nous avons un système financier international qui est très perméable à la facilitation de la corruption, des grands trafics internationaux et de l'accroissement du crime organisé. Deuxième sous-partie, ensuite, donc après les données théoriques, voyons ce qu'il en est des validations empiriques qui ont été apportées à ces thèses. Et là, c'est assez intéressant puisque depuis notamment la crise des subprimes, nous avons une série d'études qui viennent attester, qui viennent démontrer un lien assez intéressant entre l'argent, ce qu'on pourrait appeler l'argent roi, un certain surinvestissement de la valeur argent dans les sociétés, et des formes de déviance ou des formes de comportement non éthique, comme disaient les chercheurs, parmi des populations européennes, occidentales. Alors d'abord, une première étude qui a été publiée en janvier 2012 et qui essayait d'étudier à l'aide de données issues de l'observation et puis aussi une série de tests empiriques basés sur des individus tests à qui on faisait faire une série de jeux en quelque sorte et on observait leur comportement. Cette étude, elle essayait d'explorer le lien qui pouvait exister entre appartenance aux classes sociales les plus élevées et la propension à entrer dans ce que les chercheurs appellent des comportements non éthiques, notamment la fraude, le mensonge, et derrière on citait en particulier la corruption, les détournements d'argent. Et les chercheurs se sont aperçus, à l'issue de leurs observations, qu'il y avait effectivement un lien entre appartenance aux classes sociales les plus favorisées et prévalence, ou grand nombre, disons, de comportements non éthiques. La principale raison qui était aussi évaluée par les chercheurs, puisqu'ils ont été d'abord, on le sent, assez surpris, enfin, disons, un peu en tout cas surpris par leurs résultats, qui étaient très nets, peut-être s'attendaient-ils à des résultats plus ambigus, ça a été de tester quelle était la raison de ce lien entre appartenance aux classes sociales favorisées et comportement non éthique. Et ce test a été fait donc, par un dispositif spécifique. Et ils en sont arrivés à cette conclusion que c'est en raison de la cupidité qui était plus grande, plus large chez les classes sociales favorisées qui entraînait cette propension plus grande à rentrer dans les comportements non éthiques. Oui. Là, j'ai mis une illustration qui était de circonstance. Puisqu'on oublie presque avec l'affaire de la FIFA, mais la précédente affaire HSBC, et les révélations continuent de tomber sur les pratiques de cette grande banque internationale, qui est encore une des principales banques au niveau mondial. HSBC Suisse a été beaucoup concernée par les révélations, mais il faut savoir que HSBC, la filiale aux États-Unis, avait été aussi condamnée il y a quelques années pour un blanchiment massif de narcodollars. De l'argent issu des trafics de cocaïne, notamment au Mexique. Et cette banque était jusqu'à peu dirigée par Stephen Green, qui avait écrit, je crois en 2011, je ne me rappelle plus, ce livre « Valeurs sûres, réflexions sur l'argent et la morale dans un monde incertain ». Et ce même Stephen Green, qui était le patron d'HSBC, était considéré dans les milieux financiers comme une forme de sage, quelqu'un qui avait une honorabilité. Il avait été d'ailleurs élevé au rang de lord par la reine d'Angleterre. Il était considéré comme étant d'une morale et d'une éthique irréprochable. C'est assez intéressant avec le recul. Deuxième étude, donc publiée en 2013, c'est des chercheurs, notamment appartenant à l'université Harvard, qui vont tester, eux, tout simplement ce qu'ils appellent l'exposition à l'argent. C'est-à-dire que dans leur batterie de tests empiriques, ils vont tout simplement avoir un groupe test et un groupe qu'ils vont exposer à l'argent. Alors comment ils exposent à l'argent ? Mais tout simplement dans la conversation qui précède le test, et c'est un test sur les pièces de monnaie. Le test est très simple et très intéressant. C'est-à-dire que vous faites, vous isolez des personnes, alors vous faites ensuite, vous sélectionnez votre groupe social, votre groupe suivant des critères qui permettent leur attachement, disons, à la société dans son ensemble. Il faut une certaine variété des profils. Votre groupe, ensuite, vous faites deux groupes comme ça, et chaque personne va faire un test à la pièce de monnaie. On lui demande tout simplement de jeter une pièce en l'air et de noter le nombre de faces et le nombre de piles. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de vérifier ce que va reporter la personne. Et si, si la personne fait face, elle obtient 20 dollars. Si elle fait pile, elle obtient rien. Et à l'issue du test, la personne dit, voilà, j'ai fait 15 piles et 20 faces. Donc c'est intéressant parce que ça va permettre pour les chercheurs, sans qu'ils expliquent que ce soit précisément ce qu'ils essaient d'évaluer, mais ça va permettre aux chercheurs de déterminer quelle est la propension à mentir finalement, en fonction des situations. Et alors là, vous faites deux groupes, c'est-à-dire que vous avez un groupe test avec lequel vous allez avoir une conversation qui précède le test tout à fait anodine sur ce que fait la personne, sa famille, sa vision de la vie, etc. Et puis vous avez un autre groupe sur lequel toutes les questions sont centrées ou un lien avec l'argent. Sur ça peut être son niveau de richesse, ses ambitions en termes d'argent, son salaire, etc. Donc vous exposez la personne à un environnement, un contexte lié à des évocations subtiles de l'argent. Et ensuite vous regardez la propension à tricher. Et alors là les résultats ont tout à fait étonné les chercheurs, c'est-à-dire qu'ils en sont arrivés à la conclusion que de simples évocations subtiles de l'argent suffisent à produire des changements dans la moralité. Et que cette conclusion a d'importantes implications. Donc, ils écrivent eux-mêmes, ces résultats suggèrent que l'argent est un facteur plus insidieux de corruption que ce qui a été précédemment considéré. Et dans le ton même de l'article, vous avez une forme d'inquiétude qui traverse les chercheurs, qui se disent, mais si, comment un tel degré de conséquence est possible par rapport à de simples évocations subtiles de l'argent ? Et autre chose intéressante aussi issue de cette étude, c'est que les chercheurs expliquent que quand on expose les personnes à un lien avec l'argent, ils se placent dans ce qu'ils appellent en quelque sorte un schéma de décision affaires, business decision frame. Et que dans ce schéma business, en quelque sorte, les moyens pour atteindre les fins importe beaucoup moins que dans la vie normale. Donc, dans la vie des affaires, en quelque sorte, on se placerait dans un schéma de pensée qui nous conduise à nous écarter beaucoup plus facilement, quelle que soit d'ailleurs la classe sociale d'appartenance, à la moralité ou à la norme, que dans la vie quotidienne, disons, classique. Dernière étude aussi intéressante, celle-ci publiée dans Nature en décembre 2014, toute récente, qui étudie la prévalence des comportements non éthiques dans les milieux bancaires. Alors c'est particulièrement d'actualité, notamment avec l'affaire HSBC, mais on a là un terrain intéressant, et d'ailleurs ils vont étudier comparativement d'autres professions, mais vous avez tout simplement un secteur qui est exposé plus que tout autre, finalement, à l'influence de la valeur, ou de l'argent en tout cas, dans les décisions qui sont prises. Et vous allez avoir ce résultat très étonnant qui nous dit que donc les résultats suggèrent que la culture des affaires de l'argent dominante dans l'industrie bancaire affaiblit et sape la norme d'honnêteté, impliquant que des mesures pour rétablir une culture d'intégrité sont très importantes. Quand vous regardez la prévalence justement de ces comportements non éthiques dans le secteur bancaire, vous voyez qu'elle est envisagée comme étant même supérieure à celle des prisonniers. Donc les banquiers auraient éventuellement une propension à mentir plus grande que les prisonniers, ce qui est assez intéressant en soi. Ça, c'est un schéma issu d'une étude qui vient d'être publiée par l'OCDE sur les écarts de fortune, les inégalités. Je voulais en parler, ce n'est pas directement connecté au sujet, mais en quelque sorte, là vous voyez très clairement une évolution, une augmentation assez rapide, assez importante depuis les années 80, assez constante d'ailleurs, des inégalités de revenus. C'est les écarts entre les 10% de revenus les plus bas et les 10% des revenus les plus élevés. Vous voyez que cet écart se creuse et, à mon avis, à mon sens, il faut interroger ce lien entre creusement des inégalités, augmentation des affaires de corruption, pour ne pas dire augmentation de la corruption, puisqu'on n'a aucun moyen de le savoir. Mais en quelque sorte, on peut dire que arriver à la conclusion que, en quelque sorte, notre croyance, en quelque sorte, en la valeur argent, notre croyance collective, notre surinvestissement culturel, voilà ce que je voulais dire, notre surinvestissement collectif de la valeur argent, si on peut dire, à l'aide de ces études-là, que ça a des conséquences sur les comportements et que ça accroît le nombre et la quantité de comportements non éthiques, alors il y a un risque à considérer que le monde entier est en train de diffuser à l'échelle planétaire cette culture de l'enrichissement sans limite. Voilà. Et que cette culture de l'enrichissement sans limite, elle peut avoir éventuellement un lien, alors là je rentre dans des suppositions, hein, mais elle peut avoir éventuellement un lien avec une forme d'explosion des affaires de corruption. Et tout cela se traduit en toile de fond par cette augmentation colossale des inégalités qui est dénoncée jusque dans ces organisations-là. L'OCDE n'est pas connue pour être une institution particulièrement favorable aux États, à la régulation financière, aux régulations du marché. Et pourtant, l'OCDE considère de manière désormais établie que l'augmentation des inégalités produit en réalité des conséquences très graves pour les économies. Ça nuit à la croissance économique en soi. Et je crois qu'on pourrait même ajouter, à condition qu'on aille un peu plus loin dans la recherche sur ces questions-là, que cette augmentation des inégalités se traduit en fait un sentiment plus général d'une société beaucoup plus ouverte à ces questions d'enrichissement personnel, individuel, sans limite en quelque sorte, et affaiblit la norme, affaiblit le droit, affaiblit notre capacité collective à intégrer et respecter la norme de droit. J'en arrive à mes conclusions pour dire que, ce que j'ai déjà un peu envisagé tout à l'heure, que la corruption n'est pas tant en réalité un problème technique, un problème lié à on ne sait pas quoi faire pour lutter contre la corruption finalement, qu'un problème politique. Les axes concernant la France pour répondre à ces questions-là, ils sont connus, ils sont défendus, notamment dans une série de rapports internationaux. J'en citerai que quelques-uns, mais vous avez par exemple les rapports de l'OCDE qui évaluent la France. et qui sont extrêmement critiques sur le système de notre pays. Vous avez aussi les rapports du Conseil de l'Europe, une institution qui s'appelle le GRECO, et qui là aussi sont assez nombreux et détaillés sur le sujet, et assez critiques sur le système français. Dernièrement, notre système de financement des partis politiques a été assez étrié. Et vous avez aussi un dernier rapport en date, dont je pourrais parler un peu plus dans les questions, si le sujet vous intéresse, c'est le rapport anticorruption de l'Union européenne, puisque je fais partie du réseau des experts de la Commission dans le cadre de la rédaction de ce rapport, chargé plus spécialement de l'évaluation de la France. Donc nous faisons un travail comparatif très intéressant et qui nous apprend d'ailleurs beaucoup de choses, qui m'apprend beaucoup en tant qu'universitaire, pour essayer d'évaluer quelles sont les principales failles dans les dispositifs nationaux. Et le rapport issu de nos travaux, qui a été publié en février 2014, définit quatre axes importants concernant la France. J'en ai repris quelques-uns ici. Mais premier axe, c'est un problème par rapport à l'indépendance de la justice. Comme vous le savez, nous avons des procureurs qui, en France, sont nommés par le pouvoir exécutif et dépendants de ce pouvoir exécutif, et qui ont, à la différence d'autres pays, très peu, finalement, de... Comment dire ? Très peu de volonté, disons, de poursuivre cette forme de criminalité-là, qui est corruption et criminalité en col blanc en général. Et quand vous observez la différence avec des pays comme l'Italie, où les procureurs sont indépendants du pouvoir politique, vous voyez que le nombre d'affaires, le nombre de personnes impliquées, le nombre de réseaux qui arrivent à être démantelés par cette justice indépendante, qui n'a pas forcément beaucoup plus de moyens que la France, un peu plus, mais pas énormément plus, est beaucoup plus important. Deuxième axe qui était envisagé dans ce rapport anticorruption de l'Union européenne, c'est les problèmes liés au financement des partis politiques. On sait que les partis politiques sont confrontés à un problème de financement qui est important, depuis les années 90 notamment, c'est que vous avez deux phénomènes qui se conjuguent, vous avez la baisse du nombre de militants, donc moins de ressources d'un côté, et l'augmentation des dépenses de communication. Et finalement, les deux phénomènes se renforcent mutuellement, puisque au moins vous avez de militants, au moins vous avez de personnes investies, au moins vous avez de budget, au plus vous avez de personnes indifférentes à la politique, au plus vous avez besoin d'entrer dans des grandes dépenses de communication pour aller toucher le public. Donc les deux phénomènes se renforcent et creusent cette question, la difficulté de cette question budgétaire pour les partis. Un certain nombre de partis, on l'a vu dans les années 90, ont trouvé à travers la corruption des moyens de se financer. Des systèmes qui étaient, d'ailleurs ce n'était pas seulement le cas de la France, on voit l'état de la question en Espagne, où ce système était aussi institutionnalisé, et les choses commencent à émerger vraiment maintenant. On voit que l'Italie a été confrontée à la même question, à travers les enquêtes manipulées qui ont fait exploser la démocratie chrétienne et le Parti socialiste italien dans les années 90-2000. En France, tout cela a été couvert par quelques lois d'amnistie. On a changé les règles de financement et on a dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus de problème, on a un financement public des partis. Ce n'est pas le cas, il y a toujours un problème. Moi, je le vois notamment au niveau local. Il y a un énorme problème de financement et vous avez une circulation d'argent liquide dans les campagnes politiques qui est absolument colossale. Qui est colossale et dont on voit à travers certaines affaires, je pense notamment à l'affaire Karachi, d'où peut être sa provenance. Alors, à Marseille, sa provenance est toute trouvée. Et on a d'ailleurs un lien qui se fait parfois à l'occasion de certaines affaires. Si vous regardez l'affaire Calisson, qu'on appelait l'affaire Calisson sur le racket des boîtes de nuit à Aix-en-Provence, par exemple, par le crime organisé, vous apercevez que les équipes qui rackettaient les boîtes de nuit et les bars à Aix-en-Provence, ils venaient essentiellement de trois institutions. C'était la communauté du pays d'Aix, communauté d'agglomération. Donc c'était des personnes qui avaient des contrats de travail avec ces organisations-là. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la communauté urbaine de Marseille. Chose un peu étonnante, hein, qui laisse planer un léger doute sur les commanditaires de ce type de racket. Dans l'affaire de Karachi, on a vu aussi qu'un lien tendait à être établi par les juges d'instruction entre, d'un côté, les contrats d'armement à l'exportation et une circulation d'argent en liquide dans les campagnes électorales aux élections présidentielles. Donc on a des exemples qui montrent en réalité que cette circulation, elle peut se faire Et à mon avis, à mon sens, et parmi les données qui sont à l'aide des données qui nous sont disponibles et accessibles aujourd'hui, le problème est beaucoup plus considérable que ce qu'on a tendance à considérer. Il y a une circulation d'argent en liquide colossale. Il faudra peut-être un jour s'y attaquer de manière un peu plus claire et nette dans les campagnes politiques. Troisième axe qui était envisagé dans ce rapport, alors je reprends imparfaitement ces aspects-là, mais troisième axe qui était envisagé dans le rapport anticorruption pour la France, c'était aussi l'absence à peu près complète de lutte contre la corruption internationale. Et là, je dois dire que d'un point de vue statistique, les choses se confirment assez bien, puisque vous avez donc une infraction qui est punie depuis 2000, et vous avez en pratiquement 15 ans d'existence, vous avez seulement 5 condamnations, même 4 condamnations, puisque une a été récemment réformée en appel, 4 condamnations pour corruption d'agents publics étrangers. Alors que le phénomène est considéré comme endémique dans les relations internationales. Alors que vous avez vu d'ailleurs que nos principaux clients à l'exportation, à savoir une bonne partie de l'Asie et de l'Afrique, sont des pays où la corruption est systématisée parfois et atteint tous les niveaux du pouvoir. Malgré cela, il y a une tolérance assez étonnante de ces questions, de cette corruption internationale de la part de nos institutions. Et d'ailleurs, toute une série de mécanismes institutionnels qui permettent d'empêcher et de mettre des obstacles dans les enquêtes en cours sur cette question-là. Pour résumer, en quelque sorte, je voulais dire que peut-être si on prend les axes prioritaires, il y aurait effectivement à se pencher sur cette question de l'indépendance des procureurs, à condition aussi d'accorder des moyens en conséquence pour les juges et procureurs spécialisés sur ces affaires de corruption, qu'on a un immense besoin de réarmer les contre-pouvoirs en France, c'est-à-dire que les contre-pouvoirs ne sont pas seulement, des outils théoriques issus de la théorie des sciences politiques. Vous savez, Montesquieu disait « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Il faut que ça se traduise aussi en conséquences très pratiques dans nos institutions. À chaque pouvoir doit correspondre un contre-pouvoir et tous les contre-pouvoirs, d'une manière générale, peuvent être utilement renforcés pour lutter contre cette corruption. Je veux parler à la fois du contrôle de l'égalité en préfecture, qui ne se fait quasiment plus, par exemple. Je veux parler aussi des liens qui doivent exister entre la justice administrative ou entre les autorités administratives de l'État qui établissent des contrôles et la justice, parce que parfois ce lien ne se fait pas, ne s'établit pas. Je veux parler aussi du rôle des citoyens dans cet aspect-là, puisque vous savez que les associations ont depuis très peu de temps acquis une forme de droit d'action en justice dans les affaires de corruption. Là aussi, c'est une piste à envisager. Et je veux parler aussi des lanceurs d'alerte, puisque ces lanceurs d'alerte, pendant très longtemps, étaient totalement ignorés de notre droit. Petit à petit, les choses se renforcent, mais ils sont aujourd'hui dans des positions très inconfortables. Isolés, pas vraiment aidés d'ailleurs sur le plan financier ou autre. Simplement, ils ont une protection juridique contre les licenciements. C'est très insuffisant. Ça ne permet pas de lutter efficacement contre la corruption. Les États-Unis, en comparaison, paient leurs lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, paient dans des proportions colossales, puisqu'ils obtiennent un pourcentage de l'argent que leur dénonciation aura permis de faire récupérer au Trésor public. Et ça atteint parfois des millions de dollars. D'ailleurs, ça atteint pas parfois, c'est pratiquement systématiquement des millions de dollars. Donc là, vous avez effectivement un certain nombre de personnes qui... vous avez de plus en plus de lanceurs d'alerte aux États-Unis. Et ça permet de dénoncer, de faire sortir des systèmes qui étaient parfois installés depuis des années. En France, la situation comparative est très insatisfaisante. Il faudrait aussi également penser la corruption comme un système. C'est-à-dire pas seulement... dans ce schéma initial qu'on avait décrit comme la relation bilatérale entre un corrupteur et un corrompu. La corruption, c'est un ensemble d'infractions. C'est un ensemble d'acteurs qui jouent un rôle trouble parfois, pas toujours le même, au fil du temps, avec des renvois d'ascenseur. C'est-à-dire que la contrepartie d'un avantage, elle n'est pas souvent immédiate, et vous ne pouvez pas forcément la relier d'ailleurs à ce moment de réception d'un avantage, vous avez tout simplement des acteurs qui se rendent service dans le temps. Et il faut envisager cette corruption comme un système et non plus comme le simple pot de vin entre un corrompu et un corrupteur. C'est-à-dire changer complètement la culture notamment juridiques, que nous avons sur cette question-là. Et ça implique aussi quelques changements dans le droit. Enfin, il faudra aussi lever un certain nombre de blocages dans notre système institutionnel, qui sont les blocages les plus criants et les plus terribles. Je veux parler notamment du secret défense, qui aujourd'hui encore interdit dans un certain nombre de cas toute enquête sur les sujets parfois les plus graves et qui contribue à cacher certains errements de notre République. Je veux parler aussi de cette Cour de justice de la République qui devait être supprimée, d'ailleurs ça faisait partie des engagements de campagne du président Hollande, qui devait être supprimée et qui existe toujours et qui, à l'heure actuelle, les gens sont pas peu au courant du fonctionnement de cette Cour de justice de la République, mais il faut savoir que c'est tout sauf une cour, puisqu'elle est composée essentiellement de parlementaires en exercice, et qu'elle est seule compétente pour juger les ministres pour les faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Autrement dit, on va considérer qu'un ministre, par exemple de la Défense, qui fait verser des pots de vin pour obtenir des contrats à l'exportation, pour les armements français, agit dans le cadre de ses fonctions. Donc, doit être jugé par la Cour de justice de la République. Autrement dit, ce même ministre va être jugé par ses parlementaires amis. Imaginez quelle peut être la conséquence d'un tel conflit d'intérêts qu'on n'imagine pas dans la justice pour toute autre juridiction. Mais là, on va considérer que c'est normal. Et ça permet évidemment d'empêcher souvent dès l'origine, puisque dès le stade initial de la saisine de cette Cour de justice, vous avez la plupart des affaires qui sont enterrées. Vous avez une commission de saisine qui, en réalité, va considérer que finalement, la plupart du temps, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de problème, et il ne faut pas saisir le tribunal. Ce qui produit parfois des résultats très cocasses. Quand je raconte ces histoires-là à mes étudiants, ils ont du mal à me croire parfois. Mais par exemple, dans une affaire qui implique d'ailleurs un homme d'affaires corse qui devient de plus en plus connu, Michel Tommy, et un homme politique qui a été aussi très connu, Charles Pasqua. Vous aviez une affaire qui remonte déjà à quelques années, dans laquelle Charles Pasqua a été suspecté d'avoir financé sa campagne à des élections européennes par cet homme d'affaires corse en forte odeur de mafia, comme on dit en Italie. Et l'homme d'affaires Michel Tommy a été condamné pour corruption active de Charles Pasqua, qui a été innocenté par la Cour de justice de la République. Donc, comme je le dis à mes étudiants, si je veux résumer, Michel Tommy a donc été condamné pour la corruption d'un parfait innocent. Et si je dis autre chose, je suis en état de diffamation pour la carrière honorable de Charles Pasqua. Donc, c'est très délicat. D'ailleurs, Michel Tommy a introduit un recours devant la Cour de révision auprès de la Cour de cassation, en disant, comme c'est absolument absurde de corrompre un parfait innocent, je demande la révision de mon procès. Et la Cour de cassation a estimé que non, ce n'était pas absurde et que les deux infractions étaient séparées, que par conséquent, Charles Pasqua restait innocent et Michel Tommy restait coupable. Voilà le type d'aberration juridique auquel ça peut conduire.